Alors, bonjour. Alors, je vais moi aussi me présenter. Je suis architecte de formation et je suis docteur en arts plastiques, esthétiques et sciences de l'art. J'ai fait une thèse que j'ai soutenue il y a 3 ans sur la question de la perception, donc du sensible dans l'espace architectural essentiellement. Je n'ai pas travaillé sur l'espace urbain. J'ai une étude à partir d'un corpus de 3 bâtiments réalisés. Donc la question de la perception produite par les arts visuels dans l'architecture. Et donc j'ai essentiellement mené ma recherche par la réalisation de vidéos avant d'écrire. Hein, c'est la vidéo qui m'a fait écrire, en fait, qui m'a permis d'écrire. Et donc les vidéos qui ont été produites dans cette thèse, il y en a une douzaine, qui sont courtes, hein, 2-3 minutes, sont aujourd'hui des objets totalement autonomes, des bâtiments, c'est devenu autre chose. Et donc dans le prolongement de ce travail, depuis 3 ans, donc j'ai continué à travailler là-dessus, je me suis interrogée sur, c'est ce que je fais aujourd'hui, sur la représentation en architecture et sur la place que peut avoir l'image mouvante dans la représentation contemporaine. Donc c'est là-dessus que je travaille, je m'oriente aujourd'hui. Dans ma présentation, j'ai fait ma présentation en 2 parties, plutôt une partie contexte, et puis hypothèse, et puis dans un deuxième temps, j'ai mis, il y aura pas mal d'exemples de travaux. Donc je n'ai pas dit, je suis enseignante et chercheure à l'école d'architecture de Grenoble, et donc mes recherches nourrissent aussi mes enseignements. Donc je propose un enseignement expérimental par la vidéo pour lire l'architecture et pour organiser sa pensée à partir des images sur l'architecture. Et depuis cet été, j'ai travaillé avec des urbanistes, donc j'ai changé d'échelle. Je travaillais sur l'espace urbain. Voilà, donc si cet espace, hein, si l'espace est, en général existe au travers d'un ensemble d'éléments qui sont concrets, qui sont visibles à l'œil, hein, les formes, les personnes, hein, les objets, donc qui produisent des dynamiques et des durées variées, hein, qui vont dans l'espace se croiser, se télescoper sans cesse, selon des rythmes variés, des rythmes changeants. Cet espace est aussi aujourd'hui vécu et perçu selon des données plus difficilement saisissables qui ont à voir avec un nouvel espace-temps. Donc parallèlement au monde mesurable et visible, il y a, on va dire, un monde abstrait qui s'est construit autour des systèmes de communication. Et qui modifie, voire supprime totalement, la notion d'échelle entre l'individu, la ville, l'édifice et le territoire. Et donc, supprime quelque part cette notion de temps, en fait, hein, modifie le temps, voire le supprime. Alors que l'homme donc, contemporain se déplace plus vite qu'au siècle précédent, et que le monde qui l'entoure s'accélère, le temps jusque-là perçu au travers d'actions réelles, se traduit aussi aujourd'hui, donc au quotidien, à travers d'actions virtuelles. Il y a énormément de textes, hein, sur ce rapport réel-virtuel, hein. En tout cas en architecture, on a beaucoup, donc qui engage un nouveau type de dialogue entre l'espace et l'individu. Hein. Je pense évidemment le plus marquant aujourd'hui dans ces modifications, c'est Internet. Donc, mais il n'y a pas que celui-là, hein. La télévision en était un, le téléphone, enfin tous ces outils ont modifié petit à petit, hein, voilà. Et je pars sur le 20e siècle. Donc, alors, au-delà donc, de cette complexité de l'espace, s'ajoute le fait que nous, en tant qu'individus, nous ne sommes pas fixes. Hein, notre œil, notre tête, notre corps bouge constamment. Notre œil, en tout cas, bouge constamment. Donc, ça ajoute encore à la complexité. Donc, je vous renvoie là-dessus sur Bruno Zevi, hein, en 59, dans Apprendre à voir l'architecture, qui dit que tout usage en fait de l'architecture nécessite donc des déplacements dans le temps selon des points de vue successifs qui vont permettre d'appréhender le lieu du donné selon, donc on nous a dit, sa réalité intégrale. Hein, donc il insiste bien, et il est un des premiers, je pense, à insister, à parler de la vidéo hein, en 59 pour l'architecture, pour l'enseignement de l'architecture. Donc, dans le contexte contemporain, la pensée architecturale, qu'elle serve l'analyse ou le projet, hein, c'est complémentaire, ne peut être figée ou linéaire, et par là ne peut ignorer l'action complexe dans laquelle elle s'inscrit et nous inscrit. Comme l'écrit Françoise Véry, le temps est devenu le paramètre premier de l'architecture. Déjà en 1912, hein, Peter Behrens déclare que puisque la vitesse de perception de l'architecture a changé avec les flux mécanisés, hein, quand on est dans un véhicule ou dans un train, on perçoit plus l'espace de l'architecture, l'espace de la même façon, la conception des édifices doit changer. On est en 1912. Donc, les outils classiques de l'architecte, le dessin, la photographie, la maquette, ne suffisent plus aujourd'hui à représenter le réel. Je dis aujourd'hui, il y a déjà près d'un siècle, hein, mais à représenter le réel. Ils ne suffisent pas à rendre compte de ce qu'est l'espace dans les pratiques quotidiennes des uns et des autres, dans ses variétés spatiales, temporelles et symboliques. Donc depuis une dizaine d'années, donc, ces axes de recherche intègrent les préoccupations du laboratoire du métier d'histoire d'architecture à l'école d'architecture de Grenoble, auquel je suis rattachée, donc sur la construction d'une pensée critique du projet. Hein, donc on retrouve ces questions de l'image mouvante dans la construction de la pensée critique du projet. Et donc, comme je disais au début, ces recherches donnent lieu à un enseignement expérimental basé essentiellement sur la vidéo. Alors, voilà. Donc la première vidéo que je vais projeter, c'est une vidéo qui a été réalisée dans le cadre donc, de ma thèse, ma recherche de thèse. La méthode de travail, elle est assez simple. Elle est essentiellement basée sur les images. Il n'y a rien d'autre. Hein. Ce qui compte, c'est l'image. Dans ce travail-là, en l'occurrence, ouais, c'est assez... Il n'y a pas eu de préparation. Bon, là, c'est un travail sur la maison Lemoine, le Rennes-Colas, à Florac. C'était un des objets étudiés. Il n'y a pas eu de préparation en amont, il n'y a pas eu de... J'ai pas fait de lecture, j'ai rien fait de spécial. Après, j'ai quand même quelques notions, hein. Je ne suis pas arrivée avec un œil complètement... Quoi, un œil... J'avais déjà une idée. Mais donc j'ai filmé ce bâtiment, je l'ai refilmé, et tout simplement, ce sont les images, par le collage et par le montage numérique, qui m'ont permis de déclencher une pensée. Hein. En fait, c'est très proche du travail de l'iconologie de l'intervalle développé par Abi Warburg dans les années 1920 jusqu'à 1929, en fait, qui est considéré comme une histoire de l'art sans texte, qui est essentiellement basée sur l'image et sur le rapprochement d'images en fonction de scènes, en fonction des sujets, en fonction voilà, de différentes choses, et qui, collées les unes aux autres, forment comme ça des tableaux dans lesquels, en fait, le spectateur, le regardeur, vient faire du lien, en fait, en croisant ces images. Mais rien n'est dit, tout est donné, en fait. Hein, et c'est à nous de prendre... Alors, je ne l'ai jamais vu, parce que ça n'existe plus, mais le livre va ressortir, là, j'ai vu ça la semaine dernière. C'est l'Atlas Mnemosyne d'Abi Warburg. Donc voilà, c'est un langage purement visuel basé sur le rapprochement des images et sur l'entre-deux en fait qui est à combler hein, par le regardeur. Donc là, le travail vidéo, il se fait comme ça, il s'est fait de cette façon-là. Alors je ne connaissais pas Warburg hein, quand j'ai fait mes vidéos. C'est à la fin de ma thèse que j'ai découvert Warburg, et bon, maintenant, je le ramène parce que je trouve ça très intéressant. Donc voilà, je vous montre une vidéo. Elle dure 2-3 minutes, je ne sais plus. Alors celle-ci est volontairement muette. Certaines ont une bande son qui a été réalisée, pas par moi, parce que je ne sais pas faire, mais par quelqu'un, par un musicien. Donc, allez, je vous laisse regarder. Voilà. Donc, à aucun moment, la matière, le langage est en image, l'image mouvante, à aucun moment, je sais ce que je vais faire en fait des images. Hein, ce sont les images qui parlent. Donc, là, en l'occurrence, par intuition, dans cette recherche sur la perception entre art visuel et architecture, donc à partir de la maison de Florac, de Rem Koolhaas, j'ai croisé des images donc, de l'œuvre Bingo de Gordon Matta-Clark avec la maison, avec des images de la maison, dans cette notion en fait d'ouvrir l'architecture, de libérer l'architecture. En fait, cette maison, hein, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est un parallépipède en trois strates, dont la partie centrale est entièrement vitrée à 360 degrés sur le paysage, en fait, sur Bordeaux. Donc, voilà. Et donc, c'est cette notion de libérer l'espace, de libérer l'architecture, je l'ai retrouvée chez Gordon Matta-Clark et j'ai croisé comme ça pour voir. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça et ça donnait lieu à tout un discours sur le cadrage, sur la fenêtre en architecture, sur la place de la fenêtre en architecture, sur le rapport entre le dedans et le dehors. Donc ça, après, c'est tout le développement de la thèse. Voilà. Et l'intérêt, en fait, d'avoir pris des images en mouvement, hein, d'avoir saisi le temps de l'architecture, en l'occurrence, on ne le retrouve plus forcément dans le montage, souvent, parce que ce sont des tableaux mouvants qui sont très très lents, dans lesquels il faut vraiment entrer et puis imaginer hein, par soi-même. Enfin, moi, c'est comme ça que je le propose, mais... qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil. C'est une maison en fait qui est aujourd'hui qui a été réalisée. Moi, il y a une histoire particulière, ça en amont c'est important, qui a été réalisée pour une personne qui était handicapée en fauteuil. Donc elle a été conçue spécialement pour son handicap et pour qu'il puisse se déplacer dans cette maison. Et cette personne est décédée il y a déjà quelque temps. Quand j'ai filmé, elle était décédée. Et donc, il y a un grand vide dans cette maison. Donc, il y a le vide. C'est une maison sans usage, quasiment, quoi, sans vie. Et puis, il y a le vide de la non-limite, en fait, hein, de ce parallépipède de verre, en fait, qui ne s'arrête nulle part. Donc, bon, après, ça, c'est une interprétation. Hein, mais le montage, en fait, pour moi, c'est une interprétation de ce rapport, voilà. De cette analyse sensible du lieu. Il y a toute cette histoire. Donc toutes les vidéos comme ça racontent des morceaux d'architecture, interprètent de façon sensible des morceaux d'architecture en niant des références artistiques. Le deuxième extrait, en fait, donc c'est que ce travail, cette méthode de travail, je l'enseigne donc à l'école d'architecture de Grenoble et puis cette année dans une école d'architecture en Suisse, à Fribourg, donc du montage à partir de l'image comme langage, a donné lieu donc à des exercices. Donc là, je vais juste vous présenter un travail qu'on a réalisé que des étudiants ont réalisé en 2010. Là, le thème, c'était la ville en mutation, et on travaillait sur Grenoble à partir d'un nœud qui est un pont sur lequel passe le train, en dessous les voitures et de chaque côté les piétons, donc qui est un espace qui n'est pas traité, qui n'est pas mis forcément en valeur, mais qui est essentiel dans le fonctionnement de la ville. Si on le bouche, si on le ferme, la ville est coupée en deux, en fait. Il n'y a plus de circulation, alors il faut faire des tours énormes. Donc on a travaillé sur ce lieu, et puis cette limite, elle coupe le lieu en trois zones, en trois quartiers bien distincts. Plus à l'est, un quartier 19e, assez chic. Plus au sud, un quartier très populaire, hein, le quartier Saint-Bruno, un ancien quartier ouvrier. Et puis, au nord, un nouveau quartier, c'est Europol, donc un quartier d'affaires. Donc, on a vraiment trois zones très... Voilà. Et donc, les étudiants devaient travailler sur cet espace, sur les rythmes, sur la vie de cet espace, pour fabriquer une pensée, une idée. Ça aussi, c'est assez court. Hein. on avait du son, mais c'est... Là, la vidéo, elle est là au niveau de l'enseignement, elle est là, je dirais, pour instruire le regard. Hein, c'est un outil qui vient instruire le regard. Au-delà du dessin, de la maquette, ce que je disais tout à l'heure, ou de la photo, qui sont figées, hein, même si la photo peut représenter le mouvement, hein, peut intégrer son mouvement, l'intérêt, c'est de regarder autrement ce lieu, d'en saisir les fonctionnements, les dysfonctionnements, en train de se faire, en train de se passer, les changements de lumière, les, voilà, de saisir, c'est, tu parlais tout à l'heure de transformation, hein, de saisir ces transformations, ces mutations, comme source aussi du lieu, et comme matière, en fait, au discours, en fait. Hein. Voilà. Et puis, là, le dernier exemple, là, c'est un peu plus long, c'est un travail qui a été mené cet été avec un urbaniste, un chorégraphe qui est aussi architecte, et puis et moi, et on est tous les trois, on travaille la vidéo, mais de manière complètement différente, vous allez voir. Donc l'urbaniste, il est plus sur l'interview, hein, il croise les images et l'interview. Le danseur, lui, ben, c'est sur le corps, en fait, hein, il travaille essentiellement le rapport au corps, à l'espace. Et puis, moi, sur cette notion toujours de collage et de montage mouvant. Et donc, on a essayé de voir, en fait, c'était expérimental, comment ces différentes approches nous permettent de parler d'un lieu qui est un... Là, c'était la place de l'Europe à Lausanne, en Suisse, qui a été réalisée par Bernard Tschumi, qui est un nœud de circulation, l'arrivée des trains, le départ des bus, donc c'est vraiment un espace de transition. Hein, et donc on a essayé de voir comment cet espace de transition est vécu, comment, parce qu'en fait on ne s'est pas, de la même façon que précédemment, on ne s'est pas documenté avant d'aller voir. On est arrivé sur le terrain, on l'a filmé, puis on a essayé de voir comment tous ces mouvements... là. Et qu'est-ce que c'est que ce lieu, en fait, comment il existe, comment il vit. Alors, donc, il y a les trois films qui sont montés... Voilà, j'ai refait la bêtise. Alors, les conditions, c'était de filmer en même temps, donc le même jour, donc le même lieu. Le lien, c'est le danseur aussi qu'on retrouve dans les trois vidéos. Et après, chacun était libre de faire son montage et c'était très vite, on avait 2 jours pour... Les quartiers du fond, c'était pas un quartier à mode, c'était des entrepôts. C'était plutôt un parking, donc il y avait vraiment personne qui venait ici. Ouais, mais c'était une vieille gare, c'était que de l'industrie, des vieilles imprimeries, ça a vraiment changé. Quoi. En 15 ans, c'est impressionnant comme ça a viré d'un côté vraiment vieille zone industrielle à un espèce de côté, genre vraiment quartier un peu hype. Quoi. C'est... On est dans le nœud, en fait, de Lausanne. Donc il y a à la place les lieux de travail, il y a les principaux moyens de communication, le métro, le train qui va vers le Gros de Vaud, la plupart des bus, la gare est pas loin, les commerces sont pas loin. Donc finalement c'est un petit peu on est dans un des doyaux de la ville en fait. Et même si on veut aller visiter les magnifiques merveilles architecture de la cité, elles sont pas très loin. Ouais, maintenant je trouve que oui, avec le métro M2 aussi c'est plus facile. Et il y a un bon réseau de bus, c'est assez facile, il y a cette coïncidence entre un lieu et l'autre. Donc. Finalement, on se retrouve entre pas mal de rues commerciales par là, d'autres de ce côté. Après, par là-bas, bon, c'est un peu plus les finances, mais finalement, elle est au centre de pas mal de choses. C'est-à-dire, en fait, la façon dont les maisons sont agencées, c'est des anciennes maisons industrielles. Ouais. Donc évidemment, du coup, à l'époque, ils n'avaient pas pensé à les rendre... plus identifiable, et puis alors c'est sympa comme c'est fait, mais du coup, voilà, je cherchais, c'est une petite librairie scolaire que je cherchais, et puis j'ai pas réussi à mettre la main dessus, donc je sais pas si elle a disparu ou si c'est moi qui ne l'ai pas trouvée. Niveau architectural, c'est vachement bien fait, au niveau d'habiter l'espace, sous les voûtes, etc. Mais après, même en général, je veux dire, au niveau de l'urbanisme, très accessible, que ce soit à pied ou en transport en commun, côté, je trouve qu'elle est bien foutue dans le sens que c'est quand même, on a quand même des nouvelles technologies, ils essayent tout le temps d'innover, mais je trouve qu'elle est pas assez remplie, qu'il y a quand même un manque architectural. Enfin, je fais du skateboard et puis j'aime bien un peu tout ce qui est des architectures un peu chelou, et puis du coup, ben, il y en a pas beaucoup ici, quoi, c'est dommage. Des améliorations. Enlever les voitures, pour qu'on puisse se parler sans crier. Bah, moi j'ai bien aimé, ils nous ont présenté récemment un projet pour un tram à Lausanne, et ils veulent fermer tout ce giratoire à la circulation et mettre toute cette rue là-bas uniquement en circulation pour les bus et les trams, puis dévier toute la circulation par là-bas. Je pense que ça peut être pas mal pour l'avenir des automobilistes lausannois. Bah, les propositions, il n'y en a pas à faire, parce qu'étant donné que la tour Bel Air va devenir encore un centre commercial, c'est prévu que la route de Genève soit arrêtée et puis qu'il y aura la possibilité que ça soit tout complètement piéton. Ça, c'est plutôt assez bien, mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils nous rajoutent un centre commercial. Donc ils vont nous refaire, on va avoir un XIM H&M et puis voilà. Donc ouais, c'est dommage. Le flanc plus tard. Qu'il y ait plus de verdure. Tout à fait. Il peut y avoir un petit peu plus de verdure, ouais. Ouais. Bon, en été, ils mettent là-bas, ils mettent une espèce de truc de. Ils mettent du sable, puis ils mettent des transats, mais c'est vrai que ça manque un peu d'espace vert. Savoir qu'il y a encore la rivière du Flon qui nous coule sous les pieds, ça c'est aussi. Ouais, c'est impressionnant, elle est enterrée à quelques centaines de mètres dessous. Là. corps. Donc là, c'est sur le langage du corps, hein, la lecture du souffle par le corps. Thank you. Donc moi, ce projet n'est pas terminé, il devrait avoir d'autres étapes en fait, on voudrait continuer à avancer comme ça. Donc ce qu'on a pu remarquer, c'est étrange, du coup, bon, je vis à Lausanne, donc je connais la ville, c'est que ce lieu est devenu, à un moment quelqu'un le dit, est devenu le centre de la ville en fait, c'est devenu le lieu central, alors que c'est un espace vide. C'est un espace immatériel où les gens ne font que passer. Il n'y a aucune possibilité de s'arrêter. Hein, on ne peut passer que d'un bus. À, voilà. C'est un lieu de transition. Et c'est devenu la référence de la ville. Alors que bon, Lausanne, c'est une ville en escalier. Et le centre historique est un peu au-dessus, au niveau de la cathédrale. N'attire absolument personne. Hein, il est toujours vide, en fait. Et là, tout le monde est là, en fait. Tout le monde est dans ce quartier-là. Voilà. Donc bon, on voilà. Alors, ce que je veux dire au niveau de cette prise en fait du réel, hein, de cette prise en acte en fait par la vidéo, effectivement, comme tu soulignais tout à l'heure, quelque part c'est un leurre. Hein, c'est quelque chose qu'on cherche à créer, à saisir, en tout cas dans les arts visuels depuis l'Antiquité. Hein, on essaie de saisir le mouvement. Comment on a essayé de le représenter par les drapés, par les courses de chevaux, par les cheveux, par, voilà, par des attitudes. On l'a représenté chez Giotto, chez Bruegel aussi. Je ne sais pas si vous connaissez la... comment ça s'appelle, les aveugles. Les aveugles qui tombent en fait, hein, dans une décomposition du mouvement, hein, c'est très proche des travaux de Marais ou de Muybridge sur la photographie, en fait, la décomposition du mouvement. Voilà, donc là on a le cinéma, hein, depuis une centaine d'années, donc on a un peu plus de 100 ans, on a cet outil, hein, qui permet de saisir donc, dans les transformations, dans les mutations, mais en même temps voilà, on reste toujours en surface en fait, hein, on n'arrive pas à rentrer, on sera jamais, comme c'était souligné tout à l'heure, dans la perception de celui qui traverse et qui croise quelqu'un, qu'est-ce qu'il pense, et, voilà, on n'arrivera jamais à saisir tout, je sais pas, peut-être, mais on sera pas là en tout cas, je pense, à saisir ce réel-là. Donc quelque part c'est un peu un leurre, voilà. Voilà ce que je voulais dire, je m'arrête là, j'ai sûrement oublié plein de choses, mais... Ah si, ce que je voulais dire, la dernière chose, c'est que j'ai pas mis là, c'est que ces projets avec les étudiants, on a essayé l'année dernière de faire vraiment du projet à partir de la vidéo. Donc il y a eu un relevé d'un lieu, d'une séquence spatiale dans Grenoble. Les étudiants ont dû interpréter donc leur perception de ce lieu par des vidéos, donc 5-6 vidéos, des choses très courtes, et à partir de ces montages qui se développe donc en trois dimensions, hein, par le numérique, on arrive à faire des choses, on arrive à reconstruire de l'espace par le montage. On ne construit pas simplement une série d'images successives, on les construit aussi en profondeur, quoi. On arrive à, voilà, par les jeux, par les possibilités, par les glissements, les transparences, on arrive à faire ça. Et donc les étudiants ont, à partir de ces vidéos, extrait des images et ont réalisé... alors des sculptures, des maquettes, je ne sais pas trop comment les appeler, donc des objets en volume. Donc on a essayé en fait d'utiliser cette technique du montage, l'utilisation de la vidéo pour le projet, pour matérialiser du projet, quoi. Voilà, de l'espace. Donc voilà, on a fait, j'ai pas mis là. Et bon, c'était ça, c'est à pousser, quoi. Pour voir justement le côté opérationnel de cette, ce qu'on disait, enfin, moi, j'aime pas le mot opérationnel, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement, où va cet outil, quoi. C'est pas, voilà. Et en même temps, c'est aussi la volonté de réhabiliter l'image, quoi. Parce qu'il y en a marre des images sans sens, alors que l'image, elle a un sens, je veux dire, on peut en faire quelque chose, on peut construire avec. Donc il y a aussi cette volonté derrière. Là, je m'étais... Merci beaucoup, hein, une présentation passionnante, je trouve. Alors je laisse la parole à moi, comme j'ai commencé tout à l'heure. C'est bien, c'est gentil. Parasité par Métropolis, donc vraiment. Voilà, donc je me suis concentré dessus, je l'ai vu de partout, donc j'ai bien aimé la dernière chose, mais je la poserai plus en question, moi. Pourquoi au final, faudra absolument qu'il y ait une finalité, au final, la finalité, magnifique phrase, opérationnelle. Non, ouais. C'est pas une critique, mais c'est de dire au final, oui, on cherche à chaque fois. Qu'est-ce que je pourrais faire de l'image? Qu'est-ce que je pourrais bien faire de la vidéo? À quoi, un moment ou un autre, elle va me renseigner, elle va me donner un certain aspect, elle va me permettre une lecture ou l'orienter. La vie de machine, les flux, le vide, la circulation, paf, c'est bon. Mais bon, ça peut peut-être en rester là. C'est difficile après, de trouver, bon, et après, je passe comment de l'un à l'autre, concrètement, tout en n'étant pas neutre, mais en n'essayant pas déjà de le charger tellement qu'on lui-même est chargé, mais au final, se dire, bon, ben voilà, je prends quelque chose. Je suis sur ce temps-là, je donne une information, bon, après, interpréter là ou pas, enfin, d'autres prennent le relais. Moi, c'est pas une perturbation au sens de dire ça sert à rien, il faut rester dans ce camp-là ou dans ce camp-là, c'est-à-dire rester. Mais cette question, toujours, je ne vais pas parler de moi, mais je me la pose quand même aussi, au final, à quoi ça servirait? Il faut absolument que ça soit opérationnel, il faut. Ah, bon, pourquoi pas ça resterait juste une manière de faire, une manière de voir. Je crois qu'il y a les deux axes, quoi. Les vidéos, oui, effectivement, celles qu'on a vues, là, des étudiantes, oui, effectivement, elles se suffisent, quoi. Ouais. Maintenant, les vidéos que j'ai réalisées dans ma thèse, voilà, elles passent comme ça, et puis j'ai rien à dire, quoi, à la limite. Je laisse faire. Oui, parce que ça revient quoi l'interprétation, noter sur interprétation, montage est une interprétation, bah, c'est exactement pareil, après chacun le prend comme il veut. Moi j'ai voulu y voir ça et je l'ai vu partout, les ascenseurs, les escaliers, enfin bref, parce que j'étais particulièrement peut-être sensible à ce cas-là. Donc du coup, est-ce que c'est juste pour à la rigueur décrypter, je sais pas quoi, mais c'est cette... vous auriez pas fini sur cette... c'est pas de ta faute, sur l'opérationnel, c'est pas une critique, j'étais là au début. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir dire, selon le vieil adage, que même si j'ai rien à dire, il faut que tout le monde le sache. Et j'étais là, mais quoi? Et puis, paf, il faut que ça soit opérationnel, non? Non, il ne faut pas. Mais en même temps, j'enseigne, voilà, il y a deux oui, pratiques. Je comprends, Et j'enseigne, et j'en ai assez de voir les étudiants faire des images de synthèse qui sont toutes les mêmes. Ouais. Et ils passent des heures, ils ont des heures d'enseignement pour ça. Mais je comprends pas, je veux dire, de toute façon, ils sont nés avec l'ordinateur, donc ils n'ont pas besoin de passer des heures. Bon, enfin, c'est mon discours, mais on l'apprécie ou pas. Mais voilà, et on ne les fait pas réfléchir, quoi. Voilà, donc je me dis, et eux, ils ont besoin. En gros, c'est déconstruire, reconstruire, c'est de servir ça pour leur faire déconstruire. J'allais dire, il y a Venturi qui est pas loin, mais déconstruire pour après, bon, ben voilà, vous avez tout, vous avez découpé, vous avez les tranches, maintenant, prendre le chemin dans l'autre sens. Là, et voilà, et dans le cadre de l'enseignement, alors j'ai une liberté, hein. Mais en même temps, ils veulent ça aussi. Déjà là, ils sont perdus, quoi. Déjà, c'est pas évident. Déjà, c'est pas quand on fait du projet en architecture. Alors moi, j'ai appris comme ça. On regarde le site, on étudie le site, et puis après, on voit le programme et voilà. Et là, c'est pas ça du tout. Là, on part d'images. Hein, on va et puis on construit quelque chose, mais on sait pas où on va, quoi. Et alors là, c'est la catastrophe. Je veux dire, ils sont donc il faut les cadrer, quoi. C'est horrible de devoir les cadrer alors qu'ils pourraient y aller. Et du coup, si on n'a pas, j'allais dire, une carotte au bout, ça tombe à l'eau, quoi. Pas pour tous, hein, mais il y en a, c'est oui, pas parce possible. Que du coup, c'est vrai que ça revient à dire, bon, le projet, quel qu'il soit urbain, architectural, une fois qu'on sera débarrassé du mot projet, qui veut dire il y a une fin en soi. Pas quelque chose, c'est pas le processus, il y a une fin en soi de toute façon parce que c'est contenu, il n'y a rien que dans le mot. Mais, et le coup de déconstruire, moi c'était ça. Là. Mais l'essentiel de ce travail, bon, je veux dire, c'est le processus. Ouais, mais moi ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est pour ça que ça comment accroche. Comment on rentre dedans et comment on se libère en fait de tous les acquis. Qu'on se libère, mais d'un autre côté, qu'on peut être prisonnier par les références qui sont derrière, nécessaires. Donc il faut que ce soit comme ça. Oui, oui, mais c'est ça qui m'intéresse. Mais ça, ils y passent tous. Ça, ils sont obligés d'y passer. Donc ça, ils l'acquièrent plus ou moins parce qu'ils n'ont pas non plus des heures de vidéo. Hein. Ils ont plus d'informatique pour construire des petites images. Mais bon, et du coup, ils acquièrent ce processus et j'espère que ça leur donne... après, je ne sais pas. Il y en a certains qui font de la vidéo après, mais il y en a pas du tout. Donc, c'est comme le collage, il faut le remettre. Faut voilà, le, c'est ça. Faut le défendre. Ouais, c'est... Donc voilà, donc l'opérationnel, c'est pas mon but. Okay. Mais c'est aussi pour aller contre, quoi. Quand je vois toutes ces images reprises par les politiques pour vendre des projets, mais je me dis, mais ils n'ont rien compris, quoi. Quoi, si, ils ont tout compris, mais c'est une catastrophe. Donc voilà. Non, c'était, moi, c'est, voilà, c'était ça, dire aussi bien l'entretien, enfin la retranscription de l'entretien par la vidéo aussi. En même temps, on a l'image qui passe. Oh, bah, c'était l'industriel avant, c'était moche, c'était vite. Ouais. Oui, bon, ouais. Et du coup, ah, bah, au final, pour en arriver à la conclusion de ce que l'image donne à voir, ah, bah, ils vont nous refaire un autre centre commercial. Enfin. Ouais, alors moi, je suis assez critique sur ce travail. Quoi. Il n'est pas là. Mais parce que j'ai du mal à voir ce que l'un apporte à l'autre, quoi. Ce que l'image apporte au texte. J'ai beaucoup de mal. Mais voilà. Ça tombe bien, c'est une recherche. Non, mais voilà, bon. Ça, c'est intéressant. Mais moi, j'ai juste cliqué sur l'opération et me dire, aïe, ça doit aller. Si c'est, ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est mal, c'est quand même un jugement de valeur avec ma petite conscience à moi. Mais c'est vrai, oui, bah, si c'est pour déconstruire, oui, pour reconstruire, ça, c'est à mon avis. Ouais. Je trouve ça intéressant au sens. Mais le processus, ouais, c'est que ça, en fait. Ouais. Et on n'assiste jamais trop sur ce processus-là. Quoi. Ouais. Mais en tout cas, c'est là où les étudiants en bavent le plus, quoi. C'est donc je pense que c'est sur le temps, mais c'est dur à montrer ce processus, quoi. Ouais. C'est je peux, j'arrive pas à le, ouais, ou alors vous montrer par des photos les étapes, je vois pas l'intérêt, quoi. Donc bon, voilà, bon. C'est, je vous laisse vous donner la parole. Moi, quand je vois ces après images, je me dis oui, effectivement, on est loin de l'image illustration. Enfin, c'est une laboratoire un peu proche de l'image de synthèse et tout ça, quoi. Ouais. On est loin de l'image outil, mais pour moi, du coup, c'est déjà du projet, en fait. Oui, enfin, quelque part, pas toujours. Bah oui, mais en fait, il y a déjà, en même temps, une certaine compréhension de l'existant et interprétation et construction. Quand tu dis, on crée déjà des espaces, entre, enfin, tu vois, dans l'épaisseur, dans la profondeur, etc. En fait, oui, enfin, je partage aussi votre avis, pourquoi ça devrait être complètement opérationnel à chaque fois. Mm-hmm. En fait, ça, je pense que c'est une question qu'on se pose quand on considère l'image comme outil, enfin, la vidéo comme outil. Mm-hmm. Or, je pense que là, c'est déjà, c'est pas juste un outil, quoi. C'est déjà, on est déjà en train de faire du projet. Bon, bien sûr, en pensant au projet processus. Oui, mais nous on voit ça comme du projet, mais quand je projette la vidéo, la première, il y a des gens qui ne sont pas architectes ou qui ne sont pas urbanistes, qui ne sont pas dans cette démarche-là, ils ne voient pas du projet. Mmh. Une fois qu'elle est sortie du contexte, la vidéo, si tu la laisses, c'est pas du projet. Pour moi, ça en est. J'ai démonté le projet par la vidéo, mais après, ça n'en est plus, quoi. Ça en est si tu veux que ça en soit. Je veux dire, si je le projette que dans des écoles d'architecture et des architectes, ils ont tous du projet. Ouais, mais je pensais peut-être moins à ta vidéo que à celle de Marion là. Ouais, le train. Enfin, du coup, le travail vraiment des étudiants. Ouais. Ouais. Oui. Bah, c'est pareil. Je dirais la même chose. D'accord. Pour moi, hein, je me trompe peut-être. Mais je pense que si tu la montres, si tu la sors du contexte. Oui, mais en tout cas, je pense que ça n'a pas le même. On ne peut pas considérer cette vidéo-là comme une image illustration, une image outil. Enfin, ça a un sens en tant que tel. C'est ni là pour illustrer un propos. Non. C'est pas là pour accompagner un propos. Non. Et c'est pas là pour outiller. Non, c'est là pour interpréter un lieu, en donner une vision. C'est du coup en ça que je trouve que ça se rapproche déjà du projet. Enfin, ça construit quelque chose. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais je reste sur l'idée que ça dépend à qui tu t'adresses, quoi. Oui, bien sûr. Nous, on est un peu formaté, en fait. Projet, quoi. C'est. Mais bon. Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas. Moi, je réponds tout à fait formaté à, désolé, Georges Henry. Moi, ce que je trouvais très intéressant et qui me questionnait, enfin, il y a deux questions qui sont complètement différentes, mais je les pose ensemble, comme ça je profite, les temps, etc. Donc la première, j'étais complètement fasciné par l'idée de laisser d'expliquer quelque chose sur un vide qui a son noyau vide. Donc ça, c'est, je trouve génial. Mais on l'a vu après. Rien de plus. Et de l'autre, pour revenir à la question des formatations, etc., moi, je serais très intéressant de savoir à comment à vous approcher justement l'interface d'un outil autre avec les autres outils, parce que celui-là nous permet de voir justement les questions du temps. qui sont très difficiles à rendre dans les autres outils qui construisent les livrables d'un processus de conception de projet de l'espace. Et donc, comment tu arrives avec tes élèves à le intégrer. Mais la question, c'est que la vidéo nous donne bon, l'image, bien évidemment, mais surtout, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il permet de faire entrer la dimension temporelle de la perception de l'usage. Donc, comment tu arrives à la mettre en système avec les autres outils, si on y arrive? Mais quels autres outils? Là, quand on fait le projet, les dessins, c'est que tu parlais de... Ah oui, mais alors, ouais, non, mais alors ça reste très abstrait. Hein. L'approche du projet, elle est... ce que je disais, c'est l'expérience qu'on a menée, en fait, la seule expérience qu'on a menée l'année dernière, on est arrivé à des volumes, il n'y avait pas de demande particulière, il n'y avait pas de... on leur a pas demandé de nous faire un musée pour tel endroit, il n'y avait pas de site après. Hein. C'est l'image, en fait, en lisant l'image, c'est bête, je sais pas, en lisant l'image, en lisant ces épaisseurs, ces traits, ces lignes, hein, que le montage fait en amont a pu donner, et puis en ayant une perception du lieu, hein, chaque étudiant avait sa perception du lieu, ils ont retiré ces images, on leur a demandé d'extraire 2-3 images par vidéo, et puis de travailler en dessin. Donc là, ils ont travaillé en dessin. Qu'est-ce que ces images provoquaient, en fait? Encore une fois, une interprétation des images. On va d'interprétation en interprétation. Et à la fin, à partir de ces dessins, bah, de passer au volume, là on était en carton, parce qu'on avait une expérience, on commençait, donc on ne savait pas trop. Et voilà. Mais à aucun moment, il y a un programme, il y a rien de tout ça. Je parle pas de projet. D'accord. Et je ne sais pas si je réponds. Oui, non, mais ma question, c'était justement, est-ce que vous avez essayé de croiser les expériences avec les enseignements de projet? Non. C'est difficile. Et nous, c'est une question de toute bête, nous, on fait pas ça. Mais à Blois, c'est qu'on essaie de et faire, ben voilà. C'est de croiser. Moi, j'ai fait avec le cours de projet et avec celui qui fait photographie, on essaie de croiser et de travailler ensemble sur le même site pour... Oui. Alors là, j'ai une expérience cette année, mais elle n'a pas encore été réalisée. Donc, j'ai été... J'ai un enseignant de projet qui m'a demandé de travailler avec lui, essentiellement sur la vidéo, donc à partir du relevé des villes de Gênes et de Turin par les étudiants pour intégrer, pour faire un projet sur l'habitat en fait. Donc intégrer l'ambiance de ces villes par la vidéo, de faire des montages et après de travailler le projet. Mais ça n'a pas encore été, ça sera fait au deuxième semestre, donc je ne sais pas. Mais ça reste encore, c'est en amont en fait, alors c'est intéressant. On te rappelle un jour. Mais du coup, ouais, c'est pas intégré vraiment au projet, ça en fait partie, hein, c'est important. Mais ça vient en amont, donc ils vont travailler, puis forcément ce qui va découler de ces analyses-là, de ces repérages, de ces notations du site, vont venir nourrir... le projet. Mais après, moi, je laisse faire. Puis en même temps, je suis un projet. J'en fais pas. Quoi. C'est quoi, du projet classique. J'en fais pas. Donc c'est vrai que après, je laisserai faire. D'accord. Mais voilà. Je sais pas comment ça va marcher. Et pour la question, là, parce que c'était pas une question, mais de travailler sur un vide, en fait, on s'est rendu compte après que c'était un vide. C'est justement l'image qui nous a fait dire que c'était un grand vide, quoi, que c'était juste un lieu de passage. Où les gens se voient pas, voilà quoi. Comme il y en a plein, hein, je veux dire, des gares, des places de gare. Donc voilà, mais en amont, on a choisi ce lieu parce que déjà, morphologiquement, il nous intéressait, puisqu'il est, il est fait sur deux niveaux de la ville, avec passerelles. Voilà, et puis il y avait, justement, il y avait aussi chez Tchoumi. Ce rapport, donc il y a toujours chez Tchoumi ce rapport au cinéma, hein, qu'il a développé dans les années 70, mais qu'il a toujours, même s'il travaille moins dessus. Et là, justement, dans ce projet, il parlait de Métropolis. Enfin, c'est une évidence, hein, mais... mais voilà. Mais bon, à une petite échelle, et puis c'est pas du tout la même ville, quoi. C'est pas la grande ville, hein, Lausanne, c'est. Voilà. Donc, voilà. Donc là, l'idée du. Quoi, cette notion de ville est arrivée. Là après. D'accord. Merci. Voilà. Voilà, moi je voulais un peu faire le lien avec, avec la communication d'avant. Alors comment je le vois ce lien? Moi pour moi, les vidéos que tu produis ne sont pas tellement des projets, mais peut-être des créations. Enfin, alors vraiment. Voilà, dans le sens où il me semble qu'on est... moi, je classerais les vidéos que tu produis comme celles qu'on a vues de Smith. Et c'est, pour moi, c'est plutôt une démarche artistique que, qu'un travail, comment dire, on parlait, enfin, c'est tout à l'heure, hein, de type de vidéo possible. C'est pas tellement une vidéo d'ethno-méthodo. Qui se, peut-être mettrait sa caméra fixe pendant des heures et puis voilà. Donc il y a quelque chose de plus, il y a une pensée et à mon avis on est de l'ordre, dans l'ordre de la création, etc. Et donc du coup j'ai été vraiment impressionnée par l'idée de faire trois démarches et de les mettre bout à bout là, ce que vous avez fait là avec le chorégraphe et l'urbaniste. Et du coup, j'étais contente un petit peu. Alors toi, tu as l'air de dire que par rapport à la vidéo, c'est un peu bizarre. Mais j'étais contente aussi d'avoir des discours, les témoignages. Et du coup, effectivement, là, ils sont dans le montage qui a été fait. Ils sont peut-être pas super en rapport ou calés avec des images qui peuvent ou des mouvements qui serait un peu une illustration de ce qui est dit, ou enfin en tout cas, bon, on sent bien là que le montage est peut-être pas optimal, mais moi là je trouvais qu'entre le boulot du chorégraphe, le témoignage d'habitants et ton travail qui fait, en fait moi pour moi il remet le lieu dans son histoire, alors dans son histoire plutôt dans une histoire de l'art et pas dans une histoire vraiment histoire du lieu, on n'a pas des vues de... voilà, du lieu il y a 100 ans, etc. C'est pas l'objectif. Mais je trouve qu'il remet le lieu dans un contexte historique, alors qui est celui plutôt de l'histoire de l'art, de d'autres références que celles qu'on pourrait s'attendre à voir. Donc on remet le lieu dans son contexte temporel, enfin on le sort de son contexte temporel là maintenant, de ce qu'on voit, on le croise avec d'autres choses. On le pratique, le chorégraphe, il est vraiment dans... On voit bien, il fait l'expérience réelle du lieu. Et puis, on le remet dans un témoignage et un vécu qui n'est pas celui qui tient la caméra. Et je trouve que là, il y a quelque chose de vraiment global qui... comment dire ? Enfin, voilà, qui est, à mon avis, à pousser. Enfin, c'est vraiment... je trouve que là, il y a... Enfin, moi, j'étais... hyper intéressée par ce dernier travail et du coup, à mon avis, il y aurait quelque chose à voir sur comment on construit un discours. Parce que je pense que il y a un discours avec le montage, c'est plutôt ce que tu fais toi. Il y a un discours avec le corps, ce que ferait le chorégraphe. Et puis il y a un discours avec le témoignage. Et là, moi je me disais, mais comment il a choisi les gens qu'il a interviewés, parce qu'ils avaient l'air quand même assez calés sur le lieu, et je pense que c'était pas n'importe qui arrive sur la place en question qui peut dire ça. Donc je pense qu'il a peut-être fait un travail de sélection de personnes, ils ont peut-être répété avant d'enregistrer, enfin je sais pas comment ça s'est passé, mais voilà. Mais du coup je trouve que par rapport aux travaux qu'on avait tout à l'heure, on touche un tout petit peu plus le vécu, alors même si par le discours il y a une déformation du vécu, c'est clair, hein, on sait bien, mais on touche un petit peu plus le vécu de celui qui est filmé. Ce qu'on n'avait peut-être pas tout à l'heure dans les travaux des autres artistes, et je pense que cette dimension-là, elle est vraiment à garder, et je trouve qu'on... On n'a pas que le point de vue, grâce à ses paroles, on n'a pas que le point de vue de celui qui cadre et de celui qui enregistre. Voilà. Et du coup, c'est vraiment enfin, s'il y a le propre de la vidéo, c'est bien ça, c'est d'avoir la fameuse bande-son qui vient se... Et je trouve que, du coup, on touche à plus de dimensions du lieu quand on ajoute ces témoignages. Et donc, voilà, je sais pas ce que... Enfin, si toi, tu y avais pensé, parce que tu nous as montré dans tes premiers travaux qu'il y avait des choses muettes, et donc peut-être des choses qui n'étaient pas muettes, alors qu'est-ce que c'était que le son que tu pouvais amener? Et c'était certainement pas des témoignages là comme là, mais du coup, est-ce que ça... Enfin, tu trouves que c'est quelque chose d'intéressant, le témoignage de l'usager, quoi. Dans le montage, voilà, comment il peut amener quelque chose en plus. Oui, oui, moi je trouve, bah oui, je trouve que c'est essentiel, justement, pour être au plus près, encore, même si on n'est pas encore, de l'individu. Voilà. Mais... c'est vrai que c'est pas du tout ma pratique, c'est pas du tout quelque chose que j'ai, peut-être que j'essaierai, je sais pas, mais effectivement là je trouvais que ouais, il avait pas les bonnes images et il est pas, voilà, mais bon, on a, je veux dire, on a fait ça très vite. Et puis y a pas de préparation, hein. On n'a rien préparé, et c'était, on était au mois de juin, donc on s'est dit il va faire beau, on a le temps, c'est super. En fait, il faisait très très froid, il pleuvait, enfin c'était terrible, donc il n'y avait personne sur la place, les gens couraient encore plus vite que d'habitude, et il a pu comme ça attraper 2-3 personnes. Alors au début il les a filmées, mais beaucoup ne voulaient pas être filmés, voulaient bien parler, mais pas être filmés, donc du coup il a, c'est aussi pour ça qu'après il a eu un manque d'image. Et les gens, non, c'était des gens qui étaient là. Il a eu une chance, oui, il a pu attraper, je crois, un architecte, donc du coup, qui avait un regard, voilà. Voilà. Sinon, après, c'était des gens qui... Ouais, voilà. Après, oui, les jeunes... Enfin, après, le fait que les gens sachent, par exemple, que la rivière coule en dessous, etc., enfin, moi, j'étais... Si c'est vraiment une personne lambda... Oui, oui, oui. Voilà, c'est quand même... Enfin, je veux dire, c'est le genre de... Oui, de connaissance de l'histoire de sa ville, qu'on ne trouve pas chez n'importe qui, quand même. Pas, oui, tout le monde ne peut pas dire ici. Oui, oui. Mais, oui. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est... Mais ce n'était pas choisi. Hein, c'est vraiment... Ouais, d'accord. Voilà. Et il avait peu d'interviews, donc il n'avait pas non plus un choix énorme après pour le montage. Quoi. Donc, il n'y a pas... Et donc, ouais, cette question de témoignage, effectivement, moi, je ne l'ai jamais abordée. Le son des vidéos... c'est de la musique, en fait. Ouais. C'est des musiques qui sont créées pour les vidéos par une personne qui fait ça, et on travaille ensemble, et elles viennent, alors c'est bête, j'ai pas là, mais si, j'en ai une, je crois, je vous la montre, j'ai le temps. Bascule de l'un à l'autre, tu regardes l'eau différemment grâce à un truc qui te parasite un moment. Tu regardes des images, tu lis des textes, tu commences à te concentrer sur les témoignages, t'accroches à un truc, tu regardes les images différemment. Ouais, mais ça pourrait aller plus loin. Parce que je trouve que c'est déjà pas mal, mais je fais peut-être trop d'imagination. Quand tu dis par exemple quand le film c'est vide, oui, on l'a pas tellement vu dans les images qu'il a vues. Non, on a un point de vue. Ça aurait pu, tu vois, par exemple, une image vidéo, etc. Quand on connaît cette place là, pour donner l'impression de vide, il aurait pu choisir un point de vue d'en haut, je ne sais pas. Je crois qu'autour d'une bière, ça peut être sympa de discuter. Bon, voilà. Donc celle-là, il y en a déjà qui la connaissent. Non, celle-là, elle a un son. C'est la même maison, hein, c'est... Donc on voit bien une... En fait, c'est aussi une création musicale. Oui, oui, oui, c'est voilà, fait. Ça a été fait. On a travaillé ensemble, quoi. Mm-hmm. Il a travaillé, puis moi j'étais. Il a beaucoup regardé la vidéo. On a beaucoup échangé, et puis après je l'ai laissé. Et puis il a fait plusieurs propositions, mm-hmm. puis ça a changé. Et puis voilà. Et quand il n'y a pas de son, il avait essayé celle de tout à l'heure. Il avait essayé, mais moi ça marchait pas, ça allait pas. Mm-hmm. Donc on a décidé qu'on mettait rien. Quoi, voilà, mais c'est. Lui, voilà. Il n'est pas allé sur les murs. Pardon ? Il n'est pas allé non. sur. Ce que je trouve intéressant, c'est la démarche de l'ambiance sonore, etc., qui puisse essayer de, je sais pas, rappeler ce que tu as inspiré le lieu. Ou... Non, non, il n'y est pas allé, mais je lui ai donné plein d'éléments, mais il n'y est pas allé. Il ne l'a pas pratiqué. Non. Et la pluie sur le bassin, là, du coup, c'est pas du son. C'est le son réel. Ah, mais si. Ouais, enfin, c'est le son. Je voulais que ça reste, en fait. C'est la il pleuvait sur le bassin, ouais, j'ai voulu qu'on le laisse. D'accord. Voilà. Parce que c'est un peu le seul moment, on m'a fait la remarque plusieurs fois, mais c'est un diaporama, c'est pas une vidéo. Donc, bon, pour moi c'est une vidéo. Mais... Donc je voulais, comme j'avais arrêté tous les mouvements, que j'avais gardé que la pluie qui tombe sur le bassin, venir rehausser en fait cette pluie en gardant, puis bon sur le désert, sur l'image du désert, donc voilà. Mais donc il a gardé comme ça. Un petit peu. On s'arroge 5 minutes de pause.